Amandine Ferron, Gaufre Parfum Solitude. Lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. C'est une grande dame aux cheveux courts qui vient de l'emmener ici. Elle essaye d'être sympathique et attentionnée, mais le gamin s'en passe bien. Il boude ferme. Quelle conne, celle-là! Soi-disant, elle sait ce qui est mieux pour lui. Rien à foutre. À sa nom, il en a rien à foutre. Il n'était pas trop mal chez lui. Puis, il avait la paix. Il s'était habitué à ce qu'on ne s'occupe pas de ses bêtises. Maintenant, à cause d'elle, tout le monde demande sans arrêt comment il va. C'est agaçant. Son visage est tout chiffonné. Il ne voulait pas qu'on vienne le chercher, faut le comprendre. Alors il a veillé une grande partie de la nuit, caché derrière l'armoire de sa chambre. Au petit matin, la dame toute propre et toute maquillée a sonné à la porte. Personne n'a daigné lui ouvrir. Pas par rébellion, non. Parce que son père au gamin était effondré sur le canapé, entouré de vidanges de toutes les couleurs. Les effluves fermentées se mêlaient à la fumée bleue, épaisse et stagnante, laissée par des dizaines de cigares usés. Fallait voir la scène quand la bonne femme a ouvert sans y être invitée. D'abord, ses paupières ont écrasé ses prunelles grises pour exprimer son dégoût. Puis elle s'est dirigée vers l'ours endormi par l'alcool et l'a sermonné sans qu'il puisse réagir. Aaron a donc suivi la grande dame. Elle lui explique qu'ici au moins il sera bien. Mais bon, lui, il se sentait pas plus mal avant. Il n'a rien connu d'autre, donc il s'est plutôt bien adapté aux douleurs et aux manques. Il n'a jamais imaginé que ça pouvait être mieux ailleurs. Puis franchement, il s'en fout qu'on prenne soin de lui. Il n'y croit pas. Son père, même s'il n'est pas comme il faut, il en est quand même vachement fier. D'ailleurs, il devait lui offrir un vélo. Oui, demain c'est son anniversaire. C'est par un matin bleu et chaud que la vieillesse est venue l'agresser. Elle s'est glissée derrière l'arthrose de ses genoux quand Amalia descendait les escaliers. Elle a dégringolé les marches sans que la servante de la mort lui permette de se retenir à la rampe. Celle-ci riait certainement de voir ce qu'elle venait d'accomplir. Amalia, désorientée, couchée sur le palier, commençait à sentir ses os fracturés à l'intérieur de ses jambes. Ce n'est que dans l'après-midi, quand sa fille lui a rendu visite, que celle-ci a pu décrocher le combiné du téléphone, appeler une ambulance pour sa pauvre mère. Suite à cette chute, sa fille a décidé de l'emmener vivre chez elle avec toute la petite famille. Elle ne veut pas laisser sa mère sénile vivre seule dans une maison qui n'est pas adaptée à son âge et à ses maux. D'autant plus que ses os n'ont visiblement pas l'intention de se ressouder. Amalia passe ses journées dans une chaise roulante inconfortable à se plaindre. Reconnaissante envers sa fille, elle préfère se taire pour ne pas être la source de toutes les préoccupations. Elle devient peu à peu un fardeau, incontinente et dépendante pour se laver et se mouvoir. La honte a commencé à la ronger peu à peu. Elle cache ses larmes quand sa fille la déshabille. Elle rougit à en avoir les joues en feu quand l'odeur de l'urine lui pique les narines. Elle feint de dormir devant la télévision pour ne pas demander qu'on augmente le volume et pour éviter les conversations autour des informations du JT qu'elle n'entend plus. Elle a peur d'avoir perdu toute dignité. Consciente de son état et ne voulant pas rendre ses proches responsables de son mal-être, elle commence doucement à faire semblant de perdre la tête. Tous les jours, elle se bat pour avoir l'air perdu, pour oublier le nom de ses petits-enfants. Oublier Fabian et Flavio. Elle se dit que c'est le meilleur moyen pour que la famille délègue son cas à du personnel spécialisé. Elle attend patiemment qu'ils disent tous qu'ils ne savent plus quoi faire. Amalia veut que sa fille se décharge du poids qu'elle devient. Cela est arrivé un mardi, lorsqu'au dîner la petite vieille a insulté son gendre et lui a envoyé son bout de viande au visage. Sa fille a décidé qu'elle finirait sa vie à la maison de retraite du quartier voisin. Le bâtiment est composé de deux ailes. Entre les murs de la première se trouve la maison de repos, accueillant les personnes âgées qui ont besoin de soins particuliers. La seconde, quant à elle, se compose d'un dortoir, d'une immense salle de jeu, d'une salle de sport et de plusieurs ateliers où du matériel de coloriage et de bricolage est entreposé. Il s'agit du centre d'accueil de la région. Des enfants y sont placés suite à une décision juridique. Aaron a 6 ans aujourd'hui. Personne ne lui a souhaité un bon anniversaire. Personne n'a dû y prêter attention. Vu qu'il n'y a eu ni fête ni gâteau, le petit n'est pas sûr d'avoir vraiment grandi. Il se dit qu'il va rester bloqué à 5 ans. Ça le terrifie. Il aurait tellement aimé rentrer à l'école primaire. Chaque fois qu'il y pense, une douleur électrise ses paupières. Il a beaucoup pleuré aujourd'hui, et chaque fois qu'un adulte l'approche pour le consoler, le gamin détale. Il court jusqu'au bout du parc pour qu'on le laisse tranquille. Les grands ont perdu sa confiance. Ils l'ont arraché à sa maison, à son père, à ses jouets. Depuis, Aaron se sent tout seul, sans aucun repère et sans aucune explication. Ici, il est entouré, certes, mais sans connaître qui que ce soit. Tout est à recommencer. Toute sa vie doit se réorganiser. Avec d'autres proches, d'autres lieux, d'autres objets. Là où rien ne lui appartient vraiment. Là où il est un parmi tant d'autres. Là où il ne se sent pas à sa place. Les premières semaines au home ont été dures. Le personnel évitait de s'adresser à Amalia de peur de ne pas pouvoir s'expliquer clairement, de ne pas la comprendre et de se sentir impuissant. Amalia n'a jamais appris le français. Elle n'en a jamais eu besoin. Son espagnol est toujours resté enfermé derrière la grande porte de sa petite maison. Sa fille, qui avait pourtant dit qu'elle viendrait le plus souvent possible, téléphone tous les 2 jours pour dire à sa mère qu'elle a trop de travail, trop de ceci et trop de cela. Amalia, pour ne pas se laisser submerger par la tristesse et la déception, s'enfonce dans ses mensonges, continue à lui présenter une mémoire vacillante qui semble ne pas savoir de quoi elle parle. Elle raccroche alors rapidement le téléphone et regarde par la fenêtre en suppliant le temps de défiler et de l'emporter au plus vite. Peut-être est-ce la peine engendrée qui a lentement condamné Amalia à ne plus entendre. Sa surdité est devenue totale, comme une défense contre les promesses non tenues qu'elle était fatiguée de devoir accepter. Elle se trouvait entre 4 murs, incapable de faire passer et de recevoir un message. Aaron est en colère contre tout le monde. Il ne veut parler à personne ni participer aux activités. Il doit leur rendre la vie impossible. Mais comment? Face à des monstres, on ne peut rien faire. Or, Aaron a l'impression d'être entouré de monstres, des adultes ingrats et dangereux. Seul contre tous, voilà comment il se sent. Son réconfort se trouve dans son imaginaire, auquel il fait appel durant ses moments de solitude infinie. Quand il joue, Aaron se représente en valeureux guerrier, devant abattre l'envahisseur. Invincible, vainqueur. Ainsi, une force et un courage nouveaux s'emparent du petit et l'aide à apprivoiser doucement cette situation angoissante. Les enfants avaient passé la matinée à faire des gaufres. Cette occupation n'avait pas beaucoup plu à Aaron. Mais il en avait profité pour ingurgiter une quantité impressionnante de cette pâte compacte et sucrée qui allait gonfler dans son estomac. Des dizaines de petits cœurs dorés sortaient des gaufriers et étaient entassés dans de grandes boîtes bariolées pour lentement refroidir. Ensuite, quelques filles se chargeaient de les emballer dans du papier transparent qui luisait sous les reflets du soleil et de nouer un ruban mauve autour en essayant de le faire tire-bouchonner aux 2 extrémités. Enfin, à l'heure du goûter, les jeunes iraient distribuer leurs préparations aux vieux de l'autre aile. Aaron est devenu l'ennemi de tous. Il pique des colères incroyables. Il se met à hurler, à tambouriner tout ce qu'il a autour de lui avec ses petits poings, à frapper les adultes qui osent le retenir, et à mordre parfois aussi. C'est plus fort que lui. Une fois que le feu monte et vient lui brûler le cœur, il devient une tempête. Vent violent qui l'encourage en soufflant sur les braises de sa douleur. Cette rage s'empare de son corps tout entier et le libère assez vite. Mais souvent, après ces moments-là, le petit s'en veut. Il n'a pas envie de devenir quelqu'un de mauvais. C'est juste que toutes ces émotions ont trouvé une porte de sortie, un moyen de reprendre de l'oxygène. Ce n'est pas la meilleure façon, c'est certain. Mais pour un gamin qui n'a pas fêté ses 6 ans, c'est la manière de dire qu'il ne comprend pas bien tout ce qui lui arrive. Quand il plonge ses 2 mains dans la pâte sucrée pour mélanger les ingrédients, Aaron s'imagine étrangler les monstres qui l'entourent. Ses 10 petits doigts partent des bords du plat pour se rejoindre au centre, en écrasant la pâte entre eux pour la diviser. Il broie ses oppresseurs pour pouvoir s'enfuir, retrouver son chez-lui. Puis il fait une boule compacte dans laquelle il lance son poing droit, puis le gauche. Comme s'il avait le visage d'un assaillant face à lui, il frappe fort, encore et encore. Il aime regarder ensuite le gaufrier enfermé, écraser et brûler son blessé. Il est un super-héros, fort, courageux et fier. Rien ne lui résiste. Avec sa cape et son masque imaginaire, il a défié quiconque de lui enlever sa vie d'avant. Il est 16 heures quand les enfants, munis chacun d'un petit paquet d'une 10aine de gaufres, entrent dans l'autre aile du bâtiment. Ils se déplacent jusqu'au réfectoire pour amener ce goûter à leurs aînés. Aaron reste en retrait. Il se plaint de l'odeur des lieux et en profite pour dire qu'il n'a pas très envie de rencontrer des vieux. Le gamin est donc invité à se diriger vers une chambre où l'une des pensionnaires est restée l'après-midi. La porte est ouverte et il reste planté dans son arcade. Il regarde la petite dame assise dans sa chaise roulante face à la fenêtre. Il s'avance vers elle, mais celle-ci ne se retourne pas. Alors le petit décide d'avancer une chaise, de se placer à ses côtés, et il s'y installe. Avec beaucoup de douceur, il dépose le petit paquet sur les genoux de la dame. Amalia, pour le remercier, ferme ses paupières un moment. Aaron se tait. Il est un peu impressionné par cette toute petite dame courbée dans son fauteuil. Elle ne parle pas non plus, et il trouve ça bien reposant. Il n'avait pas envie qu'on lui pose plein de questions sur lui. C'est un truc de vieux, ça. Il profite du moment à côté de cette dame au visage plein de jolies rides. Lui qui n'avait que très peu dormi depuis son arrivée, sent le sommeil l'envelopper. Sa tête tombe lentement, et il se retrouve contre l'épaule de la petite vieille dont il vient de faire la connaissance. La relation entre les 2 pensionnaires se renforce au fil des jours. Aaron, dès qu'il en a l'occasion, sort du champ de vision des éducateurs pour rejoindre sa nouvelle amie. Il prend des crayons et des feuilles avec lui, et sur la table de la chambre de la vieille, il lui dessine quelque chose. Parfois, ses dessins sont colorés, d'autres fois, ils sont sombres, et révélateur de ce que son inconscient a voulu enfouir à tout prix. En échange, Amalia ramène en cachette quelques desserts qu'elle vole au réfectoire, et elle les offre à son jeune compagnon. Le gamin raconte des choses, sans cesse. Il parle à Amalia. Elle, évidemment, n'entend pas le son de sa voix. Mais elle le regarde avec attention, admirant son énergie. De temps en temps, elle répond une phrase en espagnol. Aaron ne comprend pas, mais il apprécie la douceur et la bienveillance de la voix de la vieille. Ils sont devenus une famille, empoignant la vie l'un et l'autre grâce à leur entente silencieuse et à leur amour confortable. Cependant, un jour au ciel rose, Aaron n'est pas venu voir sa vieille amie. D'abord, Amalia ne s'est pas trop inquiétée, une sortie ou une activité sans doute. Mais son anxiété grandit à mesure qu'elle arrache les feuilles de son petit calendrier. « Aaron, que fais-tu ? » Impatiente et folle de solitude, elle essaye de s'adresser aux aides-soignants qui lui sourient bêtement. Elle souffre de son absence. Que se passe-t-il ? L'a-t-il abandonnée ? Elle, qui se sentait à nouveau grand-mère et qui communiait avec ce petit bout aux cheveux hirsutes ? Il n'avait pas besoin de mots, le gamin. Il acceptait simplement toute la tendresse qu'elle était prête à lui donner. De la tendresse, Amalia en déborde, justement. Elle s'est attachée à ce petit gars qui, soudain, s'enfuit et disparaît de cette vie dont elle reste seule prisonnière. Où est-il, bon sang ? Les jours passent, ternissent et s'effacent. Amalia n'a plus la notion du temps. Elle désespère peu à peu. Elle prie et implore son Dieu de la laisser disparaître. Elle dépérit. Sa fille doit être venue à son chevet, elle a senti sa présence, mais elle n'a pas voulu ouvrir les yeux. Les plateaux repas restent pleins des fadeurs habituelles. De grosses larmes salées, comme des perles rondes d'un collier, glissent le long des joues de la vieille. Personne ne comprend sa demande, personne ne peut la rassurer. Sa souffrance résonne à l'intérieur de sa chambre, décorée par tous les dessins du gamin. Le médecin s'inquiète. Amalia est très faible. Elle garde les yeux dans le vide et refuse de se nourrir. Combien de temps pourra-t-elle tenir ainsi? Quand il échappe à l'intention des éducateurs, Aaron se met à cavaler à travers la grande cour du bâtiment. Vite, avant que quelqu'un le surprenne. Il a chaud et il est essoufflé quand il se met à tambouriner à cette fenêtre qu'il connaît si bien. « Mamie, mamie !» Aaron avale de grandes goulées d'air pour hurler de plus belle en tapant sur le carreau. Il fait un vacarme ahurissant. C'est en sentant vibrer son lit que la petite vieille se retourne, tant bien que mal, pour être face à la vitre. « J'ai la grippe, mamie. Il voulait pas que je sorte parce que je suis malade. Je peux pas encore venir te voir à cause des microbes, parce que t'es trop fragile. » Il crie, il en devient tout rouge. Amalia ne comprend absolument rien de ce qu'il raconte, mais le soulagement envahit ses veines, son cœur, son visage. En effet, il avait une bonne raison de ne pas se rendre auprès d'elle. Elle sait alors qu'il va revenir bientôt, qu'il dessinera encore, qu'il lui racontera des tas d'histoires qu'elle n'entendra pas, qu'il continuera de sourire. Elle en a les yeux chargés de perles d'affection. En riant de son bon cœur, elle souffle vers son visiteur. « Aaron !» Elle connaît le prénom du petit parce qu'il signe toujours ses dessins.